makasi ganga makasi na tola elonga ya Yesu Kristu yende kumu yako Yesu Yesu azali zela ze moko ekome maka unana mboka tanza oya mweno mode oya maso to sepela mabiko ya ofele oya to sui na Yesu ganga makasi ganga makasi Praise you, Father. Bless you. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living home. Your presence. I've tasted and seen of the sweetest our lives, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come find this place and Sauveur, souviens-toi de moi. Oh, oh, oh, t'as seulement

siko elinga tie kosikola luta e bonga kiete azala na bomengo mingi eya kio yesu koya na yona liboso kolobi nzeke na likolo ezali na ndako kasi mwana na moto azangi place ati ya moto e lelo yo yesu yo molimo mosantu okuti ndako na motema na ngai lisiko na nga o lisiko na nga yesu lisiko lisiko na yo beaucoup de place. Seigneur, descends. Seigneur, guéris. Seigneur, purifie. Seigneur, pardonne. Alléluia. Donne-lui des acclamations. Poussez des cris de joie à celui qui vit au siècle des siècles. Dieu envoya son fils Jésus-Christ. Oni Amadje. Afin que quiconque en lui soit sauvé. Quiconque croit en lui.